Il est sûr. 2. Prenez cette roue. 3. Il dit tu. 4. C'est un lit. 5. Tu vas bien? 6. Marie est belle.